Acheter se dit comprar. Comprar. C-O-M-P-R-A-R. Comprar. Acheter. Comment direz-vous « Je veux acheter quelque chose ici ?»« Quiero comprar. »« Quiero comprar, oui. Quelque chose. »« Algo. »« Algo. Ici. »« Aquí. » C'est ça. « Quiero comprar algo aquí. » Et pour dire « Qu'est-ce que vous voulez acheter ici hein? »« Qu'est-ce que vous voulez ?»« Qu'est-ce que se dit ?» Qui? Vous voulez? Quiere? Oui, mais je ne suis pas trop sûr d'avoir bien entendu quelle était la syllabe accentuée. Ah oui. Que quiere? Bien. Que quiere? Que quiere? Acheter. Compar? Comprar. Comprar. C-O-M-P-R-A-R. Et attention, il faut insister sur la dernière syllabe. Comprar. Que quiere comprar? Que quiere comprar? Ici. Ici. Aquí. C'est ça. Que quiere comprar aquí? Ouais. Et pourquoi ne voulez-vous pas l'acheter? Porque. Porque ne voulez-vous pas? No quiere. Encore une fois? No quiere. Bien. Por qué no quiere? L'acheter? Comprar. C'est ça. Hein? Acheter, comprar. Mais l'acheter se dit? Comprarlo. Comprarlo, c'est ça. Por qué no quiere comprarlo? Le mot pour cher est caro. C-A-R-O. Caro. Hein? C'est cher. Alors, c'est très cher. Es muy caro. Oui, es muy caro. Comment direz-vous? Je suis désolé, mais pour moi, c'est très cher. Es... non. Lo siento. Lo siento, c'est ça. Je suis désolé. Mais pour moi, c'est très cher. Pero... Para mí, c'est très cher. Es muy caro. Bien. Lo siento. Je suis désolé. Pero, mais, para mí es muy caro. Pour moi, c'est très cher. Comment dit-on j'ai? Tengo. Tengo. Et vous avez? Tiene. Tiene. Et est-ce que vous l'avez? Lo tiene. D'accord, hein? Lo tiene. Et pourquoi ne l'avez-vous pas? Por qué no lo tiene? C'est ça. Por qué no lo tiene? Hein? Por qué no lo tiene?